Bien, alors, on va commencer par la dernière intervention, ou peut-être dernière intervention et demie, je ne sais pas comment vous vous êtes arrangé avec Thierry, pour la journée. Peut-être le dernier verre. Voilà, c'est ça. Jean Viorduery, je te laisse te présenter. Si tu veux. Voilà. Bien, bonjour à tous, merci Xavier en tout cas de m'avoir invité à ce colloque. Je dirais non standard. Et d'ailleurs, je vais me lever dans ce caractère non standard pour vous proposer quelque chose d'inhabituel, voilà, par rapport aux neurosciences. Alors, d'où je parle en fait, c'est souvent ça qu'il faut poser comme question au départ, qui c'est ce bonhomme qui est sur l'estrade. Et donc, je suis médecin, d'abord, je suis neurophysiologiste, j'insiste bien sur le fait que neurophysiologie veut dire physiologie du système nerveux. Et non pas neurocogniticien, par exemple. Et que donc ma conception des choses est une conception intégrative, fondamentalement, du fonctionnement de l'humain. J'ai fait beaucoup de choses dans mon existence. J'ai fait de la neurochimie, j'ai fait de la neurophysiologie électrode, j'ai fait de la spectroscopie de résonance magnétique, y compris chez l'homme. J'ai fait de la neurophysiologie clinique, EEG potentiel évoqué, etc., etc. Et pour terminer, du neurofeedback et de l'hypnose. Donc j'ai balayé un champ assez large de centres d'intérêt. Et parmi tous ces centres, il y en a deux qui ont été privilégiés depuis une vingtaine d'années. C'est d'une part l'épistémologie des neurosciences, et d'autre part la phénoménologie husserlienne, heideggerienne et autres, et en particulier phénoménologie expérientielle. C'est important parce que mon propos va finalement se promener à l'intérieur de ces différents champs, de telle sorte que je vais vous proposer une présentation un petit peu, décalée par rapport aux standards des neurosciences, mais qui va, j'espère, vous amener à réfléchir à un certain nombre de points concernant les neurosciences. Donc, neurosciences sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je ne prends pas, pour l'instant, de position claire sur la notion d'âme, ni sa position. Voilà, alors on va d'abord commencer par cette citation de Wittgenstein, qui n'est quand même pas le pire des crétins, qui dit « À supposer même que toutes les questions scientifiques possibles soient résolues, les problèmes de la vie demeurent intacts. À vrai dire, il ne reste plus aucune question. Et c'est cela même la réponse. » Donc dans cette circularité performative, je vais mettre mon exposé. Alors, là, y a-t-il coupable fascination des artistes et des philosophes envers les neurosciences? Est-ce que finalement, on ne peut pas se poser la question de savoir s'ils croient voir en elles l'explication de leur propre créativité, en tout cas des bouts d'explication? Et peut-être espèrent-ils aussi que dans le contexte très particulier de notre société objectiviste et scientiste, leur propre subjectivité trouvera une excuse, un alibi d'objectivité ou de scientificité pour faire un peu... comme tout le monde au fond. Est-ce que finalement tout est si simple et tout est si vrai dans les neurosciences? Et donc peut-on avoir la confiance dans ce que nous raconte en neurosciences? Alors la position épistémologique que je vais prendre, c'est une épistémologie critique. La majorité des épistémologies sont des épistémologies hagiographiques. On est très content de ce qui se passe dans le fonctionnement de la raison, on se dit les sciences c'est merveilleux, le progrès progresse, etc., etc. Une épistémologie critique qui se fonde dans la phénoménologie, eh bien, elle va mettre en doute radicalement les langages et les concepts véhiculés par les disciplines. Et donc, la phénoménologie inspire cette épistémologie, et l'attitude fondamentale de la phénoménologie, comme vous le savez peut-être, c'est l'époké, c'est-à-dire la suspension du jugement, la suspension de la thèse d'attitude naturelle, Naturliche en allemand, voulant dire habituelle. Donc nous avons des croyances dans le monde, et la question de la phénoménologie, c'est de suspendre ces croyances, et se dire au fond, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qui est vrai, et faire ce que Descartes faisait, c'est-à-dire poser la position du doute généralisé. Et donc cette mise entre parenthèses des croyances sur le monde, c'est l'attitude fondamentale de la phénoménologie, et c'est comme si, par exemple, quand je me promène à Marseille, au lieu de dire je suis sur la Canebière, je me disais, bon, c'est comme si je n'étais jamais venu sur la Canebière. Qu'est-ce qu'il y a sur cette canebière qui m'apparaît? Et là, évidemment, je ne veux pas détailler les choses, parce qu'on aurait diverses interprétations possibles ultérieures. Mais bref, c'est cette espèce de vision infantile de l'enfant qui dit « Oh là là, il est bien gros, le monsieur hein ?» Donc l'époquine, c'est jamais admettre les choses comme acquises, mais se demander comment elles sont acquises, et si ce qu'on en dit est justifié. Donc on va partir de ça. Et donc on va faire l'époquine sur les sciences. Premier point, la démarche interprétative objectivante, des sciences antiques, c'est-à-dire de l'étang, au sens hegelien, fait que la vie mentale est vue comme un objet d'étude à travers des paradigmes variés. Ces paradigmes sont d'ordre anthropologique, neuroscientifique, sociologique, psychanalytique, historique, cognitiviste et tant d'autres possibles, etc. Mais en fait, vous voyez bien que ces paradigmes, c'est-à-dire en fait ces modèles de pensée, comme le dit Kuhn, sont en fait des filtres. Plus ou moins rouge, plus ou moins vert, etc. Et donc, forcément, chaque paradigme laisse des résidus non pris en compte. Des résidus explicatifs ou des résidus même de conceptualisation. Et toutes conduisent à des mythologies. Et je crois qu'il faut très vraiment dire, on en parlait ce matin des mythologies qui peuplaient notre monde actuel, qu'il y a une mythologie neuroscientifique. Et que nous promenons, et le grand public alors encore plus, se promène dans une mythologie neuroscientifique. Et nous discutions tout à l'heure avec Christian Xéry sur le fait que les neurosciences étaient terriblement prétentieuses. Et en fait, elles sont prétentieuses parce qu'elles créent une mythologie. Alors que vous allez voir, dans mon propos, je vais être beaucoup plus nuancé quant à la véracité de ce que proposent les neurosciences. Comme dit Husserl, il dit « Ainsi ajoutons-nous au monde de la vie, donc celle que vous vivez tous les jours, en permanente, dans le plus intime de votre conscience, à celui de notre vivre au monde concret et toujours pour nous donner comme réel, un vêtement d'idées taillé dans l'infinité ouverte des expériences possibles et qui lui va bien, celui des vérités qu'on appelle objectivement scientifiques. » Autrement dit, sur notre vie, nous collons un vêtement d'idées. Un peu comme ça. Ou comme ça. N'oubliez pas qu'il y a des modes. Et donc, en définitive, prendre les théories comme, pas forcément vraies, mais simplement comme des vêtements d'idées posés plus ou moins adéquatement, avec plus ou moins d'harmonie sur notre propre vie, peut être une position épistémologique crédible. Chaque vêtement d'idées, c'est-à-dire chaque paradigme interprétatif, recouvre l'expérience de chacun au mieux de ce qui lui semble convenir. Neuroscientifique, mathématiques, psychologie, physique, informatique, etc. Au fond, l'idée, c'est que chacun se mette avec le costume qui lui va. Alors, première époque, c'est quoi un cerveau? C'est la question. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ça pourrait être ça. Ou bien ça. Mais aussi ça. Ou cela. Ou pire encore, cela. C'est-à-dire des machins, des boîtes, des flèches, des bidules, quoi, qui vous font probablement penser à quelque chose que vous devez connaître en informatique, par exemple. Et donc, en fait, nous sommes dans un brouillard intense. Nous n'avons, pour penser le cerveau, que des schémas, que des images qui sont supposées le représenter. On ne saisit pas un cerveau. Combien de neuroscientifiques sont allés toucher un cerveau humain? Combien de ceux qui parlent du cerveau, dans les sciences cognitives, ont disséqué un cerveau de rat? Combien? Pas beaucoup. Le cerveau sur lequel nous travaillons, que nous réfléchissons, c'est une idéalité. C'est une image. Comme dit Bergson, le cerveau, c'est une image parmi d'autres. Et donc tous ces beaux dessins, cette imagerie, ces schémas fonctionnels ne sont que des traces, des esquisses de ce qu'est le cerveau, donnant l'illusion d'une connaissance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas connaissance, je dis que ce n'est pas la connaissance du cerveau. C'est la connaissance des idéalités transformé de ce qu'on peut imaginer être un cerveau. Donc le cerveau n'a d'existence scientifique que sous la forme présentée par accord tacite ou explicite de ceux qui travaillent dessus. Donc ce sont les communautés qui définissent la manière des meilleures images qui permettent de voir le cerveau ou de penser le cerveau, mais pour autant, ils ne décrivent pas le cerveau. Ils sont incapables, nous sommes incapables, nous les neuroscientifiques, de dire ce qu'est un cerveau. Nous ne travaillons que sur des esquisses, sur des images, sur des approximations, voire sur des délires. Deuxième niveau d'époque, pitoyables outils. imaginez que vous vouliez assister, vous aviez assisté récemment à un merveilleux concert. Comment vous allez pouvoir vous débrouiller pour retenir les anciennes? Vous voulez garder des traces. Donc. Alors vous faites une photo, peut-être. À ce moment-là, c'est ce que serait l'IRM anatomique. Vous pouvez aussi faire deux photos à deux moments différents. Vous voyez, quand le chef d'orchestre, etc. Ça, c'est l'IRM fonctionnel. Vous pouvez aussi essayer de garder un enregistrement sur un magnétophone dégueulasse qui crachouille. Ça, c'est l'EEG. Vous pouvez vous amuser aussi à vous souvenir d'un thème que vous pouvez chanter sous la douche. Ça, c'est le potentiel évoqué. Un petit truc. Un vague thème. Et puis, vous pouvez aussi compter les musiciens par pupitre. Ça, c'est la neuropsychologie. Vous voyez que nos outils sont quand même pitoyables. Quoi. Pour aborder un objet aussi complexe que le cerveau, on n'a que ces trucs. Et donc, il nous faut poser la question, qu'est-ce qu'on regarde? Moi, j'ai rien contre les photos, j'ai rien contre les crachouillis, mais enfin, il ne faut quand même pas vous faire croire que je suis au concert. Et donc, en réalité, les protocoles expérimentaux, dans leur réductionnisme, leur faux caractère écologique, parce qu'on vous parle de protocole écologique, ça nous fait doucement rigoler, quoi. Vous mettez le mec dans une IRM, franchement, c'est pas très très écologique. Les interprétations fantaisistes, tout ça, font que les outils des neurosciences face au cerveau ne donnent accès qu'à des fragments de connaissances, à des images floues et peut-être fausses de processus. Ils donnent connaissance ou donnent aspect ou accès aux ombres lointaines de l'esprit. Lointaines. Mais, soyons très clairs, le clinicien, enfin le paraclinicien que je suis, utilise parfois ça dans le EEG, le potentiel évoqué. Ce n'est pas scandaleux, mais il ne faut pas faire dire aux choses ce qu'elles ne peuvent pas dire. Comme le dit très bien Merleau-Ponty, il n'y a aujourd'hui, non dans la science, mais dans une philosophie des sciences assez répandue, ceci de tout nouveau que la pratique constructive se prend et se donne pour autonome, et que la pensée se réduit délibérément à l'ensemble des techniques de prise ou de captation qu'elle invente. La pensée se réduit délibérément à l'ensemble des techniques de prise ou de captation qu'elle invente. Penser, c'est essayer, opérer, transformer, sous la seule réserve d'un contrôle expérimental, où n'interviennent que des phénomènes hautement travaillés et que nos appareils produisent plutôt qu'ils ne les enregistrent. On a parlé tout à l'heure, l'orateur qui n'est plus là a parlé des capteurs et de leur variabilité, le caractère chaotique de ce qu'ils peuvent donner. Et bien, nous voilà dans cette situation-là. On invente des données. Alors, le plus caricatural et le plus problématique, c'est l'IRM fonctionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de problèmes qui se posent à l'IRM fonctionnel. D'abord, elle est soit réalisée par des biophysiciens qui ne connaissent rien aux neurosciences. Quand je dis connaître, ça veut dire avoir pratiqué au moins 10 ans d'une discipline. À moins de 10 ans, vous ne connaissez que l'IRM. Et réalisée par des neuroscientifiques qui ne connaissent pas la physique. Parce que mine de rien, un appareil de RMN, c'est un appareil de physique, de mesure physique. Et c'est compliqué. Et ça demande une certaine connaissance pour arriver à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'une manière très générale, et sauf protocole très particulier, on ne voit que des activations. Or, il ne faut pas oublier que dans le cerveau, un nombre considérable de neurones sont inhibiteurs. Ne pas voir les inhibitions, ça pose quand même une question. Parce que généralement, on considère que dans l'évolution, ce qui s'est développé, c'est l'inhibition. On voit des... Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lit des artefacts. Au sens propre du terme, des choses qui sont faites artificiellement. Et un des problèmes qu'on a en IRM fonctionnel et qui pose des grandes questions, c'est le problème du seuillage. Vous savez que finalement, vous avez des pixels un peu activés, etc. Et c'est à partir de quel seuil, finalement, on peut considérer que tel pixel est significatif de l'activité intracérébrale. Alors vous pouvez sans problème, en faisant varier le seuil, vous récupérer de l'activité cérébrale à quelques distances du cerveau. Donc le choix du seuil fait que le dispositif soi-disant des testations objectives est éminemment subjectif. Ce qui n'est pas grave en soi. Mais enfin, il ne faudrait pas nous faire prendre ça pour de la science. Et donc très rapidement, avec ce genre de choses, on en discutait à nouveau avec Christian tout à l'heure, on fait n'importe quoi. Parce que pour qui possède un marteau, tout ressemble à un clou. Donc vous avez une IRM sous les mains, ça vous a coûté très cher, il a fallu faire 10 ANR, il a fallu demander de l'argent à droite et à gauche, vous n'allez pas dire que ça ne marche pas, ni que ça ne sert à rien, ni que c'est faux. Donc vous rentabilisez, donc vous faites n'importe quoi. Et donc vous allez faire, par exemple, l'image le prouve vraiment. Vous voyez, donc, l'imagerie de l'amour, c'est un truc génial. Quoi. Enfin, On a besoin de ça pour savoir si on aime quelqu'un, évidemment. Pareil pour la culpabilité. Donc, on est, comme disait Uttal, on est en train de développer une new phrénologie. Sauf que c'est pas la bosse des Macs, mais c'est de la neuroéconomie, c'est de la neuroéthique, c'est de la neuromachin. Et puis, il y a un problème épistémologique majeur, c'est que tout ce qu'on voit là, ce sont des corrélations. Quand un truc est censé s'activer là, c'est une corrélation d'un acte mental ou d'un état mental. Ce n'est pas l'état mental. Et donc, on n'explique rien à partir de corrélations. On peut simplement mettre en regard dans une corrélation, ce qui est l'étymologie du mot corrélation, mettre en regard deux choses, mais pas plus que ça. Et donc, très souvent, c'est vaguement dit dans les discussions, mais après, dans les résumés, ça disparaît, cette nuance. Et récemment, un article, enfin, de 2013, c'est pas très très très vieux, disait clairement, le développement rapide de l'imagerie et le flux de papier d'IRM a montré, qu'il était aisé d'utiliser l'utiliser à l'étude de l'anatomie fonctionnelle de la cognition, mais notre argument concerne la compréhension du comment le cerveau fonctionne. C'est un point différent de dire c'est là que ça se passe, et un autre point de dire comment ça se passe. D'un côté c'est l'anatomie, de l'autre côté c'est la physiologie. Il est moins facile de trouver des exemples satisfaisants, ils sont sympas les types, de progrès réalisés dans ce domaine. Il n'y en a pas en fait, pratiquement pas. Il y a bien pire. Il y a bien pire. Dans un article qui est paru dans PNAS, vous savez que c'est une revue d'excellence américaine, comme on dit, enfin, l'Académie des sciences américaines, les gens des Suédois montraient que, en fait, il y avait des erreurs de calcul considérables dans les reconstructions IRM, et que entre 70 et 90% des localisations de voxels en IRM sont faux. Ce sont des faux positifs. Autrement dit, il y a 80%, disons, allez, soyons sympas, 80% des manips ajoutées. Ça en fait des papiers, hein, vous voyez, on est à 4000 là en 2013, ça veut dire qu'il faudrait plus que garder que bah, 200 papiers. Tout le reste doit être oublié. D'ailleurs, c'est pas si récent, hein, vous voyez, ça c'est le petit point rouge, là, vous le voyez peut-être quelque part, j'ai une petite souris là, voilà, où il y a un point rouge là. C'est l'activation d'un cerveau chez un saumon mort. Chacun sait que le saumon pense énormément, surtout quand il est mort. Il y a bien pire. Il y a l'idée que, et ça c'est un gars de Stanford, je crois, qui a, Ioannidis, qui est un épistémologue en fait, et qui a dit dans plusieurs articles les choses suivantes. Alors je ne vous ai pas mis les articles, mais pourquoi la majorité des résultats de recherche sont faux ? Analyse statistique bidon, organisation débile du protocole, etc. Comment faire pour que la recherche soit vraie ? C'est le problème. Et quant aux écoutes cliniques, dont je suis quand même partie prenante par certains points, pourquoi ? Parce que beaucoup de écoutes cliniques ne servent à rien. Donc je laisse à votre réflexion ces problèmes. Troisième niveau d'époque. Le modèle standard des neurosciences. Alors évidemment, là on est obligé de faire vite et donc je vais y aller un petit peu à la louche. Mais globalement, on a d'abord les modèles de la cognition. Parce qu'il y a quand même une séparation entre les sciences cognitives, telles qu'elles ont été en quelque sorte organisées à partir de la psychologie expérimentale d'une part, et d'autre part à partir de la cybernétique, et d'autre part les neurosciences cognitives. Majoritairement, les modèles de cognition sont des modèles qui sont pensés en termes informationnels. Ils sont fonctionnalistes. Il y a une fonction. Une forme ou une autre, et les réseaux de neurones, tout ça nous montre bien que quelque part ce paradigme-là est utilisé. Ils sont maintenant connexionnistes. Former le réseau de neurones, alors, bien différencier ce que c'est qu'un réseau de neurones formel, mathématique, d'un réseau de neurones normal, enfin physique, anatomique. Ils sont les processus, lieux de processus d'émergence et de comportement. Et donc, en fait, on peut penser que dans les modèles de cognition, c'est propice au développement comme modèle de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est vraiment très important, c'est que depuis le début, la métaphore de l'ordinateur est sous-jacente à la pensée cognitive. La question qui se pose, elle est quand même redoutable. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut vraiment dire que qu'un outil produit par un sujet quelconque peut expliquer le sujet ? Ça veut dire que l'ordinateur peut expliquer le sujet qu'il a construit. Et puis épistémologiquement, ça ne tient pas à cette affaire. Donc le modèle ordinateur du cerveau, il ne convient pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas parce que, par ailleurs, il y a des succès à l'intelligence artificielle que ça valide le fait que le cerveau fonctionne comme ça. On est bien d'accord. Donc cette idée d'ordinateur toujours sous-jacente là-dedans, et la neurobiologie s'est engouffrée en fait dans cette chose-là, parce que les physiologistes finalement ont été moins présents, et on a essayé de faire coller le modèle des neurosciences cognitives, pour ce qui concerne les cognitions, je ne parle pas de la physiologie du neurone, à finalement ce qu'on connaissait de la cognition, c'est-à-dire le modèle informatique, le modèle cybernétique. On a donc des fonctions cérébrales, par exemple la fonction motrice, on a des lieux où ces fonctions prennent naissance, les aires, on a des systèmes qui assurent ces fonctions, système moteur, système somesthésique, système auditif. On a des réseaux qui lient les systèmes et donc les fonctions, et ça c'est typiquement ce qu'on voit en neurosciences la plupart du temps, et en particulier en neurologie, très important, parce que la clinique a un très gros poids dans cette affaire. On voit des lésions de système plus ou moins diffuses, comme le Parkinson, les aphasies, les démences, et apparemment il y a un lien entre la lésion localisée et le symptôme, c'est la neuropsychologie. Donc ça c'est le paradigme des neurosciences générales et cliniques. Dans la version... enregistrement, cellules, IRL, etc. Mais beaucoup d'entre vous ont eu un train électrique, j'imagine, et donc se sont amusés au train électrique, à faire tourner les machines, etc. Donc, on sait bien que le train électrique, c'est un modèle réduit. Est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui s'est pris pour un cheminot ? Personne ne s'est pris pour un cheminot. Personne ne s'est dit, je suis comme si j'étais sur une machine de l'SNCF. Eh bien, c'est exactement le même problème avec les modèles qu'on a. Les modèles, qu'ils soient cognitifs, neurocognitifs, tout ça, sont toujours que des modèles réduits de quelque chose qui dépasse très largement la problématique du modèle. Une question qui est vraiment très importante, et qu'il nous faut poser en termes vraiment d'époque, dans le modèle standard des neurosciences cognitives, ou des neurosciences même en tant que telles, ce sont des fonctions, dont la conscience est supposée faire partie, qui sont altérées. Alors, regardez, ça c'est la grande ours. Vous connaissez tous, j'imagine. Est-ce que le ciel a besoin de grand ours pour exister ? Est-ce que le cerveau a besoin de fonctions pour exister ? Au fond, ces fonctions sont des construits sociaux utiles qui nous permettent de catégoriser, d'organiser, de faire semblant de comprendre quelque chose. Est-ce que, finalement, on ne peut pas en inventer autant qu'on veut ? Est-ce qu'on ne peut pas inventer des tests neuropsychologiques qui permettent de vérifier, soi-disant, les fonctions qu'on a inventées ? Bien sûr que si, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et donc, quelle est la pertinence réelle d'une fonction ? D'autant que, en réalité, jusqu'à présent, on avait l'idée que les fonctions sont localisées dans des aires bien précises, mais quand on regarde un peu plus près, de plus en plus, on a une idée que le fonctionnement cérébral est massivement parallèle. N'oubliez pas, par exemple, qu'on considère que ce qui vient de la périphérie dans le cerveau, c'est 5% des fibres, 5-10% des fibres. Et que tout le reste, c'est cortico-cortical. Ce qui veut dire que c'est vraiment tout là-haut que ça se passe. Et qu'on ne peut pas utiliser le modèle du cerveau de rat pour penser le cerveau humain. Donc, ce qui est très important de bien comprendre, et on le découvre de plus en plus, il y a de plus en plus de papiers, c'est que les régions cérébrales sont massivement interconnectées et fonctionnent de manière complexe, non linéaire. Les modules cérébraux, par définition qui seraient insensibles au contexte dans la définition initiale de la modularité, n'existerait que pour des aires primaires, mais pas pour les processus cognitifs. Mais, en fait, il ne sert à rien de localiser des modules inexistants dans des réseaux massivement distribués. Actuellement, la notion, c'est plutôt une notion de hub, c'est-à-dire de zone où s'échangent finalement des informations très complexes. Et on s'est rendu compte assez récemment que même les aires primaires, l'air auditif primaire, l'air visuel primaire, sont multisensorielles. Ce qu'on appelait avant l'air primaire, où il n'y avait qu'un soi-disant de l'air auditif, en fait, il y a plein d'afférences qui viennent d'autres modalités. Et donc, aucune aire primaire n'est spécifique. A fortiori, les aires secondaires, dites secondaires. Donc, ça pose des tas de questions sur le modèle même qu'on a de la communication à l'intérieur d'un cerveau. Alors, un petit mot sur les émotions dans l'art, par exemple. Les émotions, elles sont décrites dans les sciences cognitives de manière extraordinairement simpliste. Je pense qu'il faut d'abord ne jamais séparer la notion de notion de l'humeur dans laquelle se produit. Vous savez tous que le même morceau de musique, selon que vous serez pas bien, ou bien n'aura pas du tout la même, ne générera pas la même émotion esthétique. Si vous avez perdu votre conjoint, ben vous serez, vous n'aurez pas envie d'écouter certains types de morceaux où ils vont générer chez vous des choses très particulières. Et ces émotions, ce n'est pas du cerveau. Les émotions, c'est quelque chose qui passe globalement dans la totalité du corps. Et sous des modalités incroyablement riches et variées. Et puis, troisième point, les émotions esthétiques n'ont pas exactement la même forme et le même contenu que les émotions standards. Et il y avait un article de Livet, je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe de Marseille, qui avait écrit ça dans un bouquin qui avait été édité à Toulouse par Borrio, José Borrio, sur art et science, je crois. Et il avait écrit quelque chose sur les émotions esthétiques qui est très subtil et que je vous suggère de regarder parce que c'est très intéressant. Il montre bien comment les émotions esthétiques, musique, etc., ne sont pas du tout les émotions des systèmes cognitifs, des cognitivistes. Et donc, évidemment, l'humeur, si vous êtes mélancolique, si vous êtes maniaque, si vous êtes, etc., ça va colorer complètement les émotions et de manière infiniment subtile. Et je vous renvoie au livre de Descartes, justement, sur les traités des passions de Descartes. Vous avez une description des émotions d'une finesse extraordinaire, bien plus fine de finesse que celle des émotions primitives. Je voudrais également revenir sur un autre point qui est généralement pas suffisamment décrit. Depuis toujours, il y a une différenciation entre la neurophysiologie sèche et la neurophysiologie humide. La neurophysiologie sèche, c'est celle des électrodes, des enregistrements électriques, qui fait que, effectivement, on peut penser à des circuiteries, très clairement. Et donc, cette électrophysiologie, on pourrait dire, génère des circuits, et c'est celle qui va être souvent impliquée dans les neurosciences cognitives, ou dans l'intelligence artificielle comme point de jonction, si je veux dire. Mais il existe une autre neurophysiologie, qui est celle qui est humide, c'est celle des dosages, des neuromédiateurs, des dosages des métabolites fondamentaux qui font faire fonctionner le cerveau, etc. Et donc, c'est celle qui concerne le milieu intra-extracellulaire du cerveau. Et donc, c'est la neurophysiologie des métabolismes et de la pharmacologie. Or, les modèles que nous avons dans les neurosciences cognitives ne tiennent absolument pas compte, ou de manière extrêmement marginale, de la neurophysiologie humide. Et on va en parler dans quelques instants, vous allez voir que ça... Alors, tout de suite, d'ailleurs. Et on peut dire, et finalement, qu'est-ce qui est la meilleure métaphore pour le cerveau? Est-ce que c'est la métaphore informatique, l'ordinateur, la mémoire, les fonctions exécutives, l'attention, le truc habituel? Ou est-ce que ça ne serait pas la soupe au pistou? Alors, on est à Toulouse, on pourrait remplacer par soupe au pistou, cassoulet, par exemple. Mais, en fait, l'idée de soupe au pistou, c'est ça, vous avez des légumes. Donc vous faites vos haricots, des tomates, des courgettes, etc. Donc vous mettez tout ça dans l'eau, et puis vous faites bouillir. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la soupe au pistou, les courgettes prennent le goût des haricots, les haricots prennent le goût des courgettes, les tomates prennent le petit grain de sel, si je veux dire. Vous rajoutez un peu de basilic, un peu d'huile d'olive, quelques pâtes, etc. Et au bout d'un certain temps, vous avez quelque chose qui a le goût de tout. Mais en même temps, vous avez une soupe. Et vous avez des structures. Donc il y a bien des structures haricots, il y a bien des structures courgettes, elles sont un peu amollies, mais c'est pas grave, etc., etc. Et donc, la conception qu'on peut proposer, que je propose personnellement du cerveau, c'est un cerveau soupe au pistou. Un cerveau, c'est un machin, c'est une soupe. Avant d'être des circuits, ou tout en étant des circuits. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a le cerveau cognitiviste, en quelque sorte, computationnel, représentationnel, connexionniste émergent, etc., etc., avec une histoire, une idée de vision type Internet, Hub, Workspace, etc. Et puis le cerveau soupe au pistou, donc qui est un cerveau d'une épistémologie de la complexité, fondamentalement, qui est le cerveau, c'est un sol gel diffus, c'est-à-dire une solution gélatineuse. C'est un truc de gélatine, votre cerveau, le mien aussi. Avec des structures variables évolutives, des unités interconnectées, soit point à point, comme sont les neurones, soit de manière très diffuse, comme sont les glies. Or, n'oubliez pas que la glie, la cellule gliale, représente pratiquement la moitié des cellules du cerveau. Jamais personne ne parle de la glie. Autrement dit, on raisonne sur le cerveau qu'avec la moitié du cerveau. Donc, ce cerveau glial, ce cerveau glioneuronal, est ni représentationnel, ni computationnel, pas de disque dur, pas d'index. Il est mémoire intégrale parce que la totalité du cerveau, en fait, est en permanence une énorme macroforme qui correspond à la structure générale de tout vos pistous quand vous allez, à un moment donné, de la cuisine ou de la dégustation. Et donc, pensez le cerveau comme quelque chose, comme un ensemble énorme de formes qui n'arrête pas de changer. Vous faites penser la mémoire non plus sous le mode des modèles de Cowan et compagnie, mais sous un mode complètement différent, un mode bergsonien d'une mémoire intégrale. Et puis, nous avons également les fausses grandes nouveautés. Alors ça, c'est quelque chose de très énervant pour le neurophysiologiste. D'abord, la cognition incarnée. Alors ça, c'est super, parce qu'on a récemment découvert, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, que le cerveau était un organe implanté dans un corps, lequel corps est constitué de muscles, de viscères, de machins, etc. Enfin, les sciences cognitives des années 50 aux années 80, pratiquement, ont ignoré que vous aviez des doigts de pied. La cognition incarnée ou située est une alternative au cognitivisme qui était, lui, passablement désincarné, quand même. Donc, vous voyez, la différence est à peu près là, quoi, entre le cerveau tenu par un robot et puis ce que vous avez quand vous ouvrez un crâne pour enlever une tumeur. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la progression d'une absurdité est une grande découverte? Pas sûr. L'autre fausse grande nouveauté, l'inaction. Notre action, comme dit Berrena, est sans cesse guidée par la perception et nos structures cognitives émergent de nos schèmes sensorimoteurs. Super découverte. Sauf que von Weizsäcker, 1933, le dit, dans son mode, dans le cycle de la structure. Bergson, 1939, fait une page entière dans matière et mémoire. Deux pages. Merleau-Ponty en parle également dans le phénoménologie de la perception. Vous voyez, la plus tardive, c'est 45. Et moi, j'ai appris la neurophysiologie et la psychophysiologie avec Payard, et je pense que Christian aussi. Et nous avions, dans les cours de Payard, non pas l'inaction, mais l'évidence même que tout était, en quelque sorte, emmêlé. Donc, vous voyez bien que les nouveaux mots ne font pas les nouvelles idées. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas avaler tout cru des choses qui n'ont pas de sens, ou qui n'en ont plus, qui en ont un, parce que ça a fait quelque chose. Et d'une certaine manière, si vous pensez que c'est un peu plus intégratif, c'est toujours mieux que si vous pensez le contraire. Mais ne croyez pas que Varela a ajouté des choses fabuleusement nouvelles. Quoi. Alors, maintenant on va parler de la conscience. Alors, c'est très compliqué la conscience, parce qu'il y a des théories dans tous les sens. Plus vous avez de théories pour un truc, moins vous êtes sûr qu'elles sont fausses, juste. Alors maintenant, quand il y a une théorie qui est à peu près stable, c'est à peu près vrai, à peu près, pour un petit moment, mais quand vous avez 50 théories, c'est qu'elles sont toutes fausses. Donc les premières théories, c'est localiser de la base neurologique, avec réticulé, thalamus, distinction, vigilance, confiance, etc. Bon. Ensuite, on a des théories dites généralisées de la base neurologique, avec des théories de la rétroaction, la conscience étant un système de rétroaction, etc., avec une réflexivité, soit du premier ordre, la conscience étant une activité cyclique bouclée sur elle-même, soit d'ordre supérieur, la conscience requérant des méta-états mentaux. Vous avez d'autres théories, unification cognitive, liaison et synthèse entre des modules spécialisés. Donc vous avez des informations, et crac, la conscience, c'est ce qui unifie les informations. Soit de manière structurale, soit de manière spatio-temporelle. Spatio-temporelle, c'est typiquement le modèle de Changeux et de Hahn. Bon, mais la question, c'est que ça ne va pas du tout. Et Michel Bibol, dont je vous conseille la lecture de ce livre remarquable qui s'appelle « La conscience à l'origine », dit « En l'état actuel des connaissances, aucune théorie neurophysiologique ne peut expliquer comment un cerveau formé de neurones produit de la conscience. » Aucune théorie neurophysiologique. Ce qu'on peut seulement prévoir sur la base d'une configuration neurophysiologique et de sa dynamique, c'est un phénomène et non pas le fait plénier de la phénoménalité, c'est-à-dire qu'il y ait présence d'un phénomène. Pardon, c'est qui, MB ? Michel Bibol. Bibol. Et donc, en fait, on n'a que des corrélats de la conscience et non pas des causes neuronales de la conscience. On omet systématiquement que le fait de poser la question de la conscience ou de trouver une explication est déjà, en soi, une expérience consciente. Alors, personne ne nous dit ces choses un peu autrement. Il nous demande si la conscience... Enfin, dans la question qui est de savoir si la conscience est produite par le cerveau, il répond qu'il y a solidarité entre l'état de conscience et le cerveau est incontestable. Mais il y a aussi solidarité entre le vêtement et le clou auquel il est accroché. Car si on arrache le clou, le vêtement tombe. Dira-t-on pour cela que la forme du clou dessine la forme du vêtement ou nous permette en aucune façon de le pressentir? En d'autres termes, les neurosciences sont les sciences du clou et la phénoménologie, la science du vêtement. On a le droit d'être un spécialiste du clou. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc on a deux types d'approches de la conscience. Soit la conscience comme métacognition, telle que pensée par les neurosciences cognitives, comme rétroaction, comme récurrence, comme espace de travail global, comme synthèse d'autres fonctions, comme système intégré ou intégrant, sous forme d'état ou modifié ou non, c'est très utile en neurologie. Soit on se pose la question de la conscience comme origine possible de toute connaissance. Non pas l'origine de la conscience, mais la conscience à l'origine. En fait, la conscience est le prérequis, l'amont effectif de chaque investigation et de chaque attribution de sens à l'action. Et en plus, elle est toujours fluente. Elle n'est pas d'état. C'est pas un état, la conscience. Il n'y a pas d'état de conscience. Il n'y a que des métamorphoses, des fluences, des modifications de la conscience. Infiniment variées. Et même chez un patient dont on dit qu'il est en état végétatif persistant, quand vous faites un EEG et quand vous faites des certains potentiels évoqués, vous voyez bien que ce n'est pas stable. Il n'est pas en état végétatif persistant. Il est donc globalement dans une espèce de configuration probable, pouvant être dénommée cliniquement état végétatif. Mais la conscience, elle n'est pas stable du tout. Donc, autre problème, la conscience non physique peut-elle être une propriété émergente du cerveau, physico-chimique ? Comment est-ce qu'on peut concevoir qu'une propriété non physique émerge d'un système physico-chimique ? Eh bien, on ne le conçoit pas. Comme dit aussi Michel Bibol, l'expérience conscience n'est pas une chose isolable par une dénomination ou une prédication. Elle n'est ni un objet, ni une propriété, ni un phénomène, et pourtant elle n'est pas rien. Qu'est-ce que ça peut être si c'est ni une propriété, ni un phénomène, ni un objet ? Et il y a selon Cavito cartésien, et n'oubliez pas que Descartes est à la fois le père de la méthode scientifique et un des pères de la phénoménologie. Il y a un double héritage chez Descartes. Il y a l'héritage que l'on met en évidence souvent en disant « je suis cartésien », ce qui ne veut strictement rien dire d'ailleurs au passage. Et il y a l'autre héritage, qui est celui des méditations métaphysiques, qui pose la question du doute et qui reconstruit le savoir scientifique sur la base de la conscience. Son plaisir cartésien, donc, repris dans la phénoménologie sérielle, la pensée est condition de possibilité de toute connaissance. La conscience est constitutive du moi transcendantal. Autrement dit, votre propre expérience, comme la mienne, n'est jamais vécue d'un point de vue en troisième personne de l'extérieur. Votre expérience est vécue en première personne, de votre seul et propre point de vue. Du coup, on arrive à un truc incroyable. Ce ne sont pas les neurones qui créent la conscience, mais c'est parce que j'ai une conscience que je peux dire que j'ai des neurones, le ver de terre ne dit pas qu'il a des neurones, avoir des images de cerveau, faire des neurosciences cognitives, et finalement croire, plus ou moins légitimement, que mes neurones génèrent la conscience. Si je n'avais pas conscience, tout ça disparaîtrait littéralement. Donc nous sommes dans l'incapacité essentielle, c'est-à-dire d'essence, fondamentale, de penser au moment, au comment et au pourquoi intégral de ce que nous pensons au moment où on le pense. Nous n'avons pas le temps et les moyens de penser la co-occurrence massive de ce qui se passe dans le cerveau, dans le maintenant de la conscience. On peut pour l'instant imaginer tout ce qu'on voudra sur le plan des techniques, mais vous imaginez, pensez immédiatement tout ce qui se passe dans votre cerveau pour expliquer ce qui se passe dans l'immédiat. Ça ne tient pas. Et puis il y a un problème quand même qui est théorique, mais quand même intéressant. C'est que, bon, on est très prétentieux, nous les humains, évidemment, depuis quelque temps. Mais vous vous rendez compte que si vous faites le rapport entre le poids du corps et le poids du cerveau, on n'est pas les mieux placés. On n'est pas les mieux placés, et je dirais, à densité synaptique égale, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on va croire après que les cachalots, ils n'ont pas beaucoup de synapses, etc. Non, pas du tout. À densité synaptique égale, eh bien, vous voyez, l'éléphant est meilleur que nous, le dauphin est meilleur que nous, la baleine bleue est meilleure que nous, la spermouelle, c'est le cachalot, et l'hippopotame, pas loin. Donc, il n'y a pas de quoi être fier. Donc, soyons modestes. Alors maintenant, si on réaborde un petit peu, et pour terminer dans quelques diapos, la conscience du phénoménologue, donc décrite notamment par Husserl, eh bien, vous l'imaginez de la manière suivante. La conscience, c'est comme une orange, avec la part de la couche, la peau, la conscience réflexive. En principe, c'est pas ça que vous mangez, et c'est pas ça qui fait l'intérêt de l'orange. Et vous avez ce que Husserl appelle la conscience non réflexive. c'est-à-dire cette part juteuse, si j'ose dire, qui est sous la conscience, c'est que à laquelle vous ne pensez pas. Alors, on appellera les automatismes pour certains, d'autres, Dieu sait quoi d'autre, mais en réalité, quand vous êtes en train de conduire et que vous parlez à votre voisin dans la voiture, tout ce qui se passe en termes de conduite fait partie de ce qui est activé dans la conscience non réflexive. En général, vous pouvez transiter facilement à la conscience réflexive quand se produit un petit accident local. Et donc, on peut accéder sans difficulté, on en avait parlé hier, par la microphénoménologie, hein, donc à la conscience pré-réflexive ou non-réflexive, soit par l'entretien d'explication, soit parce qu'on est en train de mettre en place une pensée, qui est l'entretien phénoménologique expérientiel qui va plus loin dans le domaine philosophique que l'entretien d'explication. C'est important parce que aller dans la conscience non réflexive ou pré-réflexive, ça permet de comprendre, de décrire plein de choses extrêmement intéressantes de nos propres fonctionnements, et ça nous amène à des réflexions très très complexes, y compris en psychothérapie, et principalement d'ailleurs en psychothérapie. Alors cette conscience, c'est pas du tout, dans l'idée du phénoménologue, comme une métacognition. Dans la conscience, si vous réfléchissez là présentement à ce qu'il y a dans ce que vous êtes en train de penser, vous allez trouver de la mémoire, vous allez trouver de la perception, vous allez trouver de l'imagination, vous allez trouver de l'intellection, c'est-à-dire de la pensée, vous allez trouver de l'émotion, et tout ça réglé par des processus attentionnels. Autrement dit, dans la conscience, il y a tout ça à des degrés variables. À un moment donné ou à un autre, ça change. Des fois, quand vous dormez, ben vous n'êtes pas, l'intellection, elle n'est pas terrible, quoi. Les émotions, pas non plus. Mais quand vous avez un rêve, il n'y a pas beaucoup d'intellection, il y a beaucoup d'émotions, etc., etc. Autrement dit, si on veut essayer de comprendre, de représenter, de modéliser, et vous avez compris que les modèles, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose, voilà ce que, pour moi, c'est un peu la conscience. C'est un kaléidoscope. C'est formé de tas de cubes de couleurs. Vous tournez le kaléidoscope et regardez, ça change de couleur, ça change de forme, ça change de tout, quoi. Et la conscience, c'est exactement ça. C'est toujours en train de changer avec les mêmes choses, dans des proportions variables. Et puis il y a des choses qui rentrent, etc., etc. Si on va un peu plus loin, quand on regarde comment est construite la conscience, selon Husserl, et il y a des livres de Husserl écrits là-dessus, hein, de très, très grande littérature philosophique, pour Husserl, la conscience n'est pas quelque chose qui est extérieur à l'objet pris dans la conscience. Au contraire, la conscience, elle va se porter, elle va avancer, elle va se porter comme un rayon de torche, elle va se porter vers un objet quelconque, hein. Ça peut être un objet concret, ça peut être un objet intellectuel, etc. Et cet objet, il va l'appeler le noème. C'est-à-dire, c'est l'objet tel qu'il est visé par la conscience. Pas l'objet en soi, l'objet visé par la conscience à ce moment-là. C'est le noème. Et ce que fait la conscience, c'est qu'elle crée une noèse, c'est-à-dire, elle est intentionnelle, elle se tend vers, et elle se porte en direction du noème. Et en même temps, le noème la transforme. Au moment même où vous changez votre regard et que vous portez votre attention, par exemple, admettons, sur une partie de la salle, vous êtes transformé par ce fait que votre conscience va aller se porter vers autre chose. Et donc, en retour, évidemment, le noème, donc, comme je vous dis, modifie la conscience. Et donc, on n'est plus dans une séparation du sujet et de l'objet, dans une corrélation noético-noématique, la noèse étant justement cet acte intentionnel qui va se saisir de l'objet intentionnel. Et donc on s'éloigne complètement de l'idée de représentationnalisme des sciences cognitives qui met un objet qui existerait et une conscience qui le regarderait. Et là, je suis d'accord avec Varela, quand même, il m'arrive de temps en temps de l'être, quand il dit nous ne sommes pas des agents cognitifs parachutés dans un monde très prédonné. Si on suit Husserl, on n'est pas des sujets cognitifs parachutés dans un monde prédonné. On est des gens qui, dans un monde donné, où il y a des choses, on est d'accord pour dire que ceci est une table, ceci est un micro, et il y a des chaises, par accord entre nous, intersubjectif, notre conscience se porte sur des objets qui nous transforment. Une autre métaphore, c'est imaginer, par exemple, que vous êtes dans une grotte. Vous avez une lampe torche. Il y a des stalactites, des pyramides, des cailloux, tout ce que vous voulez, c'est une grotte. Vous avancez, vous avez le rayon de votre torche qui éclaire devant. Ce qui est éclairé par la torche existe pour vous. Mais si vous vous butez sur une pierre, parce que vous ne l'avez pas vue, la pierre n'existait pas pour vous. Elle n'existe que si vous mettez, à ce moment-là, la torche en direction de la pierre. Et bien c'est ça la conscience intentionnelle. Ce qui existe pour moi ce que ma conscience saisit. Elle serait limite là maintenant, ma conscience ne saisit absolument pas le baobab du Zimbabwe. Pas du tout. Du coup, il n'existe pas pour moi. Il existe parce que j'y ai pensé comme un objet intentionnel. Mais en soi, il n'existait pas. Alors, Husserl en parle dans La conscience intime du temps, et Michel Henry développe ce concept, c'est l'impression pure. L'impression originelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais dire presque avant, mais c'est collé, hein, vous avez quelque chose qui vous impressionne. C'est plus que la perception, c'est une impression, c'est quelque chose qui vient sur vous, c'est l'élément sensuel pur, en lui-même, étranger à l'intentionnalité. Parce que l'intentionnalité va se faire au même moment, mais à peine un petit décalage, va aller vers quelque chose qui vous a impressionné. La conscience intentionnelle, puisque toute conscience est intentionnelle, est en elle-même une impression, une conscience impressionnelle, dit-il, Michel Henry, dans l'incarnation. En tant que matière phénoménologique de l'acte intentionnel, elle, la conscience impressionnelle, permet la révélation de celui-ci. C'est parce qu'un regard intentionnel traverse cette matière composée d'impressions, de sensations obscures, que, la jetant devant lui, il l'éclaire, qu'elle devient une donnée sensible, un atome de sensations. Et donc cette conscience impressionnelle, elle est extrêmement importante. Vous allez voir, il n'y a d'impression possible que si elle touche à soi, en chaque point de son être, dans cette étreinte originelle, avec soi, elle s'auto-impressionne, son caractère impressionnel ne consiste en rien d'autre que dans cette impressionnabilité première qui ne cesse pas. Donc, au début, à l'origine, est l'impression. On peut appeler perception, si vous préférez, en termes cognitifs. Mais impression, c'est plus fort encore. C'est, à mon avis, enfin, on pourrait dire, ce que fait l'artiste, au fond, quel qu'il soit. L'artiste, qu'il soit ancien, qu'il soit moderne, qu'il ait un mode d'expression ou un autre, contemporain ou non, donc, il saisit dans son art cette impression originaire, dans l'écriture qui lui convient. Et c'est parce qu'il saisit les impressions que l'artiste ne se met pas dans une position réflexive, mais laisse aller à la créativité quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence pour lui, puisque c'est son impression profonde. Et du coup, ça valide le fait, votre protocole, d'aller chercher un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ça. Mais vous risquez de tomber sur l'impression. Et du coup, l'artiste saisit l'ambiance, au sens très large du terme, hein, évidemment. L'ambiance d'un arrière-fond, d'un arrière-monde, une impression d'arrière-fond se dégage, d'un arrière-fond dense. En même temps, il y a une ambiance, un lâcher-prise, en arrière-plan, dévoilée par et dans des modifications particulières de la conscience. Alors, je renvoie du coup, on les a montrés, au dessin donc, de Xavier et au dessin de Chouine, où finalement, qu'est-ce qu'ils vous montraient? Ils ne vous montraient pas des choses. Ils vous montraient des impressions. Alors, du coup, quand tu dessines, par exemple, ben, je vois que tu as peut-être dessiné, je ne sais pas. Tu es en train de saisir la conscience impressionnelle, enfin tu transformes la conscience impressionnelle, mais voilà, ça se saisit là. Et les dessins automatiques de Chouine étaient vraiment des dessins qu'on pourrait qualifier de générés dans la conscience impressionnelle. Et donc il y a un autre mode de conscience, je dirais modalisation, parce que pour garder ce côté dynamique de la conscience, et non pas mode en tant que classification, il y a l'hypnose et la transe. Et l'hypnose, c'est vraiment quelque chose de très particulier, parce que ça saisit la personne que dans et son par son environnement, que dans et par le rapport à son monde, qu'elle fait surgir dans le présent, avec des potentialités jusqu'alors inconsidérées. Dans l'hypnose, la conscience s'élargit. L'attention s'élargit, l'attention qui était focale devient floue, enfin large, et la conscience se transforme en quelque chose où l'imaginaire dépasse la volonté. Et donc, la caractéristique de l'hypnose, c'est que dans l'induction qui génère le processus hypnotique, eh bien, il y a un arrêt de la perception ordinaire. Et ce que fait l'hypnose, mais ce que fait la transe, hein, pareil chez les chamans, ou enfin, toutes ces configurations particulières de la conscience, ce que fait l'artiste quand il joue un concerto de Brahms, ce que fait, etc., etc., c'est qu'il reconfigure le monde, son propre monde intérieur. Il imagine, il libère les représentations obscures, qui sont cachées par la veille restreinte, la veille classique. Il prend en compte la complexité, les contradictions de la vie mentale, consciente ou inconsciente. Et l'artiste, très très souvent, si vous faites attention, il est dans une position hypnotique. Et soi-même, quand on joue de la musique, etc., on se met dans une configuration, modélisation hypnotique, de transe, mais au sens très très large du terme. Alors si vous me permettez, je vais conclure rapidement. Premièrement, il n'est pas certain que les neurosciences, si réductionnistes, si limitées dans leur paradigme, leur méthode, leur protocole, leurs résultats, nous aident vraiment à comprendre le processus de création artistique. Deuxièmement, ce qui les limite est leur manque d'incarnation. Après tout, l'anatomie se fait sur des êtres morts. Et je peux presque dire, on peut presque dire, que, au fond, tout protocole est une manière de tuer ce qui vit. Se voulant objectiviste, elle se désincarne et manque le processus même de la vie, qu'elle soit physique ou mentale. Bloquée dans un paradigme mécaniste, elle oublie ce qui anime l'être humain, donc anima, l'âme. Elle néglige le processus vital, même quand elle se donne des équations et les théories de l'émergence. C'est qu'apparemment chinois. Elle vide la pensée de toute poésie et de tout mystère. En fait, elles sont tristes. Sans doute efficaces dans certains domaines, ça, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le perdre. Hein. Elle néglige la force et la spécificité de l'expérience, sa complexité et son unicité. En laissant la conscience à l'état de fonction cognitive de type méta, les neurosciences ne voient pas qu'elle est à l'origine de leur toute connaissance et d'abord à l'origine de leur propre constitution. Pas de science cognitive sans conscience. Ce renversement bizarre, qui consiste à dire que la conscience est une métacognition, est quelque chose de quasi absurde. Ne sont-elles pas au fond une nouvelle religion propre à réduire l'angoisse existentielle d'un certain nombre de personnes? Plus on voit quelqu'un s'y accrocher, plus on a envie d'évaluer la gravité de son trouble anxieux. Et enfin, en négligeant ce fait massif de la conscience originaire, elle génère un monde affligeant de robots, sans authentique intersubjectivité, parce que ce qui est dans cette affaire important, et on le voit tous les jours, par exemple, dans le domaine thérapeutique, enfin, de la psychothérapie, c'est l'intersubjectivité. Et une psychothérapie ne marche que parce qu'il y a intersubjectivité. On aura du mal, à mon avis, à programmer de la psychothérapie de robots. On ne sait jamais, hein, mais bon. Et je vais donc finir par ce petit extrait du second Tao, de Chuang Tzu. Les anciens maîtres voyaient en profondeur. Quelle profondeur avait leur vision? Ils se rendaient compte que rien n'existe. C'est la compréhension parfaite. Ceux qui suivirent pensaient que les choses existaient, mais ne voyaient pas de séparation entre elles. Puis vinrent ceux qui voyaient les séparations, mais ne jugeaient pas les choses comme bonnes ou mauvaises. Lorsque les jugements survinrent, la compréhension se fragmenta. Lorsque la compréhension fut fragmentée, les préférences s'enracinèrent. Mais y a-t-il telle chose que fragmentation ou intégralité? Le maître comprend qu'il n'y a rien à comprendre. Merci de votre attention. Bon. Je peux. Êtes-vous suffisamment décoiffé? Oui. J'ai une question qui concerne le deuxième cerveau. Lequel? Celui qui paraît-il serait dans l'intestin. Ah oui. Vous en avez entendu parler? Oui, bien sûr. Et qu'en pensez-vous? Je pense que le... Je pense que la notion de deuxième... Enfin, deuxième cerveau est un peu exagéré comme notion. Ce qu'il faudrait, imaginer, c'est vous prenez un bonhomme et vous faites disparaître, par un processus chimique quelconque, la totalité de ce qui n'est pas nerveux. C'est-à-dire, vous enlevez tous les muscles, toute la peau, toutes les aponeuroses, les organes, etc. Et vous imaginez que le cerveau, il va, enfin, le système nerveux, va jusqu'au bout des doigts dans les toutes petites fibres. Ce que je n'ai jamais trouvé dans les bouquins, c'est le poids réel de la totalité de notre système nerveux. On a 1,8 kg de cerveau, on doit bien avoir au moins autant de reste du système nerveux, y compris végétatif. Je pense que parler de deuxième cerveau, c'est un petit peu exagéré. Je pense qu'il faudrait dire simplement qu'on est en train de découvrir quelque chose de très complexe, qui sont les interactions entre, d'une part, le système immunitaire, le système neuro-endocrinien, et neuronal en général, et le système intestinal, dans lequel, effectivement, il y a des neurones, mais il n'y a pas de neurones. Dans le système intestinal, il y a des langues d'endocrine, etc., etc. Et donc, bien sûr, c'est très important, et on s'est rendu compte avec les greffes fécales, etc., de ce que ça pouvait induire comme modification, mais en même temps, attention, on n'a pas encore fait le bilan de quelle est l'importance exacte de ce deuxième cerveau en termes cognitifs, par exemple. Ça m'étonnerait que vous êtes tellement à penser. On ne sait jamais. Mais je n'ai quand même pas l'impression qu'il soit d'une performance intellective particulière. Après, sur le plan de l'humeur, les productions, les choses, ça doit beaucoup jouer. Mais le bilan exact, c'est un peu comme avec les neurones miroirs. C'est bien de découvrir les neurones miroirs, mais quel est le bilan exact de leur activité? Et donc, on est, à mon avis, trop tôt, c'est trop prématuré, pour avoir en tout cas, ce qui me concerne, une vision synthétique du problème. C'est un problème très intéressant, très important, mais qu'il faut laisser mûrir, en fait. Parce qu'il y a aussi ce problème de la flore microbienne intestinale qui commence à agir, et là on va avoir des difficultés considérables de trouver les interactions, qui pour le coup sont métaboliques, et ne sont pas synaptiques. Donc je ne sais pas. Fondamentalement, je pense que c'est très important, je pense qu'on est à l'aube d'une grande découverte, mais au fond, ça ne fait quoi? Ça fait simplement dire que l'organisme, il est bourré de régulation et d'interaction. Point. Donc du coup, moi j'ai deux questions. Justement par rapport à la question de la conscience, quel est ton point de vue sur la récente recherche de stimulation du nerf vague par rapport à une personne qui était dans un état neurovégétatif? Et donc, avec un questionnement qui a été porté derrière par un certain nombre de chercheurs pour dire que quelque part, la conscience était bien dans le corps. Enfin, le neurovégétatif, il arrive quand même dans le tronc cérébral. Hein, oui, non, mais. Et puis le nerf vague relie le système nerveux entérique avec le système nerveux central. Donc, c'est une question aussi. Et ma deuxième question, c'est, j'entends tout à fait les critiques sur les neurosciences, j'en partage un certain nombre, mais est-ce que c'est un problème d'utilisation de l'outil que constituent les neurosciences plutôt que les neurosciences en tant que telles, c'est-à-dire... Le problème de paradigme. Et c'est un problème d'outil ou de paradigme? L'utilisation des connaissances extraites. Alors concernant le problème du réveil en stimulation du nerf vague, je crois qu'on a absolument... pour l'instant, rien compris à ce qui se passait dans les états comateux. Moi, j'ai fait des expériences, enfin, chez des patients, des explorations chez des patients, où on faisait ce qu'on appelle la N400, donc qui est un potentiel qui est dû à la détection d'anomalies sémantiques. Donc, vous dites une phrase idiote du style, il a porté son bébé dans ses chaussettes, et à chaussettes, tchac, vous avez une onde négative 400 millisecondes. Eh bien, chez des patients en état végétatif persistant, cliniquement, on a vu des N400. On a vu des ondes, les gens comprenaient ce qu'on racontait. La question c'est, on peut probablement, en stimulant le nerf vague d'un sujet ou d'un autre, mais peut-être pas du tout, générer des éveils, des choses particulières. D'abord, c'est des cas spécifiques. Deuxièmement, il est probable que les configurations pathologiques de la conscience d'un sujet à l'autre sont radicalement différentes. On peut imaginer qu'il y a des micro-consciences visuelles ou auditives et que celles-là sont activées par les autres, que la conscience d'un niveau très élevé, du type biographie, n'y soit pas, mais qu'elle y soit par bout. Bref, on peut tout imaginer. Parce qu'au fond, la notion d'état de conscience altérée vient du fait qu'il n'y a plus de rapport verbal. C'est pas parce qu'il n'y a plus de conscience, c'est parce que le sujet n'est plus capable de répondre à un ordre simple, soit par un comportement, soit par un langage. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de comportement et pas de langage ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conscience. Et d'ailleurs, quand vous faites les EEG de patients en état végétatif persistant ou possible relationnel, vous avez des EEG quasi normaux. Donc y a pas, tout n'est pas détruit. Et donc je pense que là, c'est extraordinairement difficile de savoir ce qui se passe. Je pense qu'on a eu aussi des réveils simplement parce qu'on jouait à un air de l'eau, à des gens. Qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ce chose-là. Et en plus, rien n'est stable. Rien, et c'est peut-être stable sur le plan moteur, c'est peut-être stable sur le plan comportemental et linguistique, langagier, mais rien n'est stable sur le plan de la conscience et de ses contenus. Alors, pour répondre à la deuxième... Enfin, je ne sais pas si j'ai assez bien répondu. Sur la deuxième question, je pense qu'il y a... Il y a plusieurs choses. Je pense, comme on le disait tout à l'heure avec Xavier, avec Christian Thierry, il y a... toujours cette prétention de l'humain L'humain est prétentieux, fondamentalement. Et donc, du coup, faisant des neurosciences, aidés en cela par les médias, très souvent à la fois complices et délirants, on a cette espèce de bulle spéculative, médiatique, etc., qui fait que les neurosciences cognitives qui devraient être humbles se retrouvent sous l'effet de projecteurs et deviennent mégalomaniaques. Pour ma part, je pense qu'il y a quand même, sur le fond, c'est pas un problème de méthode, c'est vraiment un problème épistémologique à deux niveaux. Premier niveau, nous ne critiquons pas suffisamment, rigoureusement, les limites de nos méthodes, parce qu'on n'a pas suffisamment de formation physique, par exemple. Parce qu'il ne faut pas oublier que les méthodes qu'on utilise sont des méthodes de physique. Finalement, l'électrophysiologie, c'est parce qu'on a des ampères-mètres. Imaginez, par exemple, que vous ayez un schtroumpfomètre qui mesure le schtroumpf dans le cerveau. Eh bien, vous feriez une physiologie du schtroumpf. Sauf qu'on n'a pas de schtroumpfomètre, on n'a que des ampères-mètres. Et donc, du coup, on est coincé par nos méthodes, on n'en évalue pas suffisamment le caractère fragile, en fait, comme on parlait des récepteurs ce matin, des récepteurs, des capteurs, et donc tout ça, on crée finalement des mythologies. Deuxième niveau, il y a un problème épistémologique parce que le paradigme des neurosciences, il est idéologiquement construit. Idéologiquement, à partir de la cybernétique, à partir de la philosophie analytique, à partir, etc., d'un certain type d'objectivisme et de scientisme, et du coup, on se retrouve dans une conception idéologique des neurosciences qui n'est qu'une conception idéologique, parmi d'autres, possible. Après, libre à soi de se mettre dans cette conception, mais au fond, on est en train de créer un monde, je dirais, idéologiquement informé. Après, ça peut marcher, c'est-à-dire qu'on peut expliquer des choses, on peut comprendre des trucs, c'est pas nul, mais on est obligé de se dire qu'il y a derrière des ressorts, des fonctionnements, des choses sous-jacentes qu'il faut dévoiler, il faut ouvrir. Enfin, c'est que quand on retourne les pierres qu'on voit les scorpions. J'aurais une question, c'est... je ne sais pas si c'est un tapage médiatique ou autre chose, mais il parle d'une transplantation de tête sur un corps, enfin une première greffe de tête sur corps. Ouais, je crois que... On va peut-être transplanter la tête, le cerveau aura du mal à passer. C'est un vieux rêve. Oui, mais je sais pas, ça arrête pas de... Oui, je sais. C'est bien compliqué de transplanter un cœur et un rein. C'est bien compliqué. Alors, un cerveau, puis toute la tête, enfin, c'est... quand on connaît l'anatomie du cou, hein, on passe des trucs dans le cou, hein, entre les vertèbres, etc., les carotides, les jugulaires, etc., etc. Quand on connaît la complexité anatomique du cou, c'est déjà rien, indépendamment du système nerveux central, on se demande comment on peut faire ça. Quoi. Donc je crois que pour l'instant, ça reste un rêve, une bulle médiatique, parce que ça fait vendre du papier. N'oubliez jamais que finalement, les médias, ce qui les intéresse, c'est de vendre du papier ou de la publicité. Donc du coup, tout est bon pour ça. Juste un dernier point, parce qu'il va falloir qu'on arrête, parce qu'il faut qu'on soit donc à 16 heures à l'Arsenal. Ton association entre l'artiste et le chaman. Ah, le... La transe, à travers la transe. Ah oui, d'accord. Moi, ça me convient tout à fait. Je pense effectivement dans le processus de la démarche de création artistique, quelque chose qui est de l'ordre de la transe, pas forcément avec une perte totale de conscience. Mais on perd pas conscience dans la transe. Non, c'est vrai. C'est vrai. Après, la question que je me pose, c'est que chez le chaman, par exemple, la transe, c'est un moyen pour aller vers quelque chose. Et donc, la transe de l'artiste, comme la transe du chaman, quelque part, c'est un moyen aussi pour aller vers quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui m'intéresse. C'est quoi ce quelque chose? Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du rapport au réel, avec toute la complexité que ça suppose, l'impossibilité du réel. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'on est là dans quelque chose qui est très, très complexe, évidemment. On a beaucoup travaillé sur ce problème avec Gaël qui est là. C'est-à-dire, en fait, que dans certains types d'entretien de phénoménologie expérientielle, donc d'explicitation très, très poussée, on touche des choses. Mais ça ressemble beaucoup à l'hypnose profonde, par certains côtés, et ça ressemble beaucoup aux états de transe, et ils sortent des choses là. On est dans la conscience réflexive, ce que les freudiens pourraient appeler inconscient, mais peu importe les mots. Et on touche des choses qui sont de l'ordre de l'humain, anthropologique profond, dont notre société ne sait pas se saisir. Je pense par exemple qu'il y a des expériences mystiques, au sens très large du terme, pas forcément d'ordre religieux, mais des expériences mystiques, qu'il y a des expériences de création artistique, qui sont, et le chaman c'est tout à fait ça, qui va chercher des arrière-mondes, des autres mondes. C'est typiquement ce genre de choses. Alors, il s'adapte avec des champignons, le cas échéant, mais pas seulement. Et donc, il y a tout un pan de l'anthropologie humaine que nous n'avons pas osé dans le monde, dans le siècle des Lumières, si je sais dire, dans le siècle des Lumières, oser explorer. Et un des points très très intéressants, par exemple, un psychiatre qui fait une thèse là-dessus, c'est les états de proximité de la mort. Ce qu'on appelle les NDE, Near Death Experience, ou état de mort imminente. Ils sont vécus par beaucoup de gens. C'est transculturel. Les présentations sont extraordinairement constantes, en tout cas régulières, compte tenu du nombre de gens qui sont. Qu'est-ce qu'on touche de l'humain, là-dedans? C'est pas des trans, mais on est dans ce même ordre de plan, si j'ose dire. Hein, c'est comme s'il y avait un plan de la raison, de la rationalité, un plan de l'imaginaire extrêmement libre dans l'hypnose, la création artistique, puis un arrière-plan, un arrière-monde, un arrière-truc, je ne sais pas quoi, où on voit, où on touche des mondes qui pourraient être de l'ordre du sacral, du divin, selon les cultures, etc., etc. Mais qui sont là, qui sont dans l'homme. Et je pense que l'artiste, fondamentalement, il va des fois chercher ça, il le trouve, il l'exprime comme il peut. C'est pour ça que je parlais de la conscience impressionnelle, en ces termes, en fait, tu vois. En disant, au fond, on va au bout de l'impression, et dans cette impression, eh bien, on a des moments de vécu, comme le sublime, comme les états mystiques, etc., qui ne sont partageables que par témoignage. Et c'est là où on voit que, entre l'objectivité et le témoignage, quelque chose de nouveau surgit, et qui nous permet de parler de l'humain au sens anthropologique. On est devant des faits anthropologiques majeurs, que la science ne peut pas s'approprier. Et Heidegger dit très bien, d'ailleurs, dans Science et Contemplation, il dit très bien que justement la science n'est pas contournable, mais qu'il faut la contourner par la contemplation. Donc, elle est à la fois incontournable et contournable. Une fois qu'on a vu les limites de la science, il nous faut aller au-delà et aller regarder ce qui est de l'ordre de la contemplation de ces choses. Que fait l'artiste, au fond? Et quand on écoute un morceau de Bach, de Brahms, de Beethoven, n'importe quoi, on a le contact de ça. Je pense. Est-ce qu'on peut qualifier ça comme état de méta-conscience? Non. Je dirais pas. Le mot état est trop connoté. Je dirais. Je ne sais pas ce que c'est. Je dirais c'est pas un au-delà, c'est un truc dans la profondeur, comme si on rentrait dans des abysses, dans de la conscience, c'est comme si on plongeait de plus en plus profond et qu'on y voit les fameux poissons des abysses, vous savez, qui n'ont pas d'yeux, etc. quoi. Un peu ce genre de métaphore. Mais j'en sais pas plus, hein, je suis pas un expert. Non, mais je te rejoins tout à fait. Après, on va pas en discuter maintenant, mais, parce que c'est un peu. On n'a pas le temps. Mais, oui. Je crois que on touche là quelque chose de fondamental. Oui, je crois. Et je suis persuadé effectivement que. Les artistes en particulier ont beaucoup de choses à apporter de ce point de vue-là. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de ne pas parler d'émotion et cognition, comme vous avez pu remarquer, mais de décaler l'enfant en couple, c'est pour le coup ça décale, décaler l'ensemble de mon propos sur le problème de la conscience, parce que je pense que c'est là que se situe la question, la vraie. C'est pas dans l'explication plus ou moins satisfaisante des neurosciences, qu'elles soient cognitives ou pas. Oui, oui, bien sûr. Oui, si tu veux. Ok. Enfin, je ne sais pas si Xavier est d'accord, mais moi... Oui. C'est la dernière, la toute dernière. Justement, tu as dit, finalement, pour notre organisme, plus important, c'est l'épuration. Et justement, récemment, j'étais dans un colloque qui parlait de le troisième cerveau. Oui. C'est le cœur. Alors, et je sais, justement, pour les Chinois, le cœur est avant tout. C'est-à-dire, dans les langues à texte, ce qui est important, c'est le cœur, c'est pas le cerveau. Mais le cerveau ne parle pas. J'ai Aristote, par exemple. Et justement, par exemple, le sutra du cœur, ça, c'est un texte qui est écrit, finalement, tout ce phénomène de perceptif ou le phénomène de sensation ou sentiment. Mmh. Et justement, je sais pas voir. C'est Annick Deprat qui a travaillé sur la phénoménologie du cœur. Nathalie Deprat. Elle a fait quelque chose sur la phénoménologie du cœur récemment. Alors après, c'est un peu moins... ça mérite d'être approfondi. C'est très intéressant, mais le cœur, comment le penser autrement. Pour un médecin, c'est compliqué parce qu'il y a l'anatomie derrière. Et mais oui, bien sûr, c'est intéressant. Le cerveau sentimental. Oui, il y a quelque chose comme ça. Mais juste, si je peux rebondir, il faut savoir que la théorie cardiocentriste, donc tu parlais d'Aristote tout à l'heure, elle a quand même été véhiculée jusqu'au XVIIe siècle. Oui. Au XVIIe siècle, c'était encore une théorie qui avait une certaine crédibilité face à la théorie céphalocentriste qui, elle, gagnait du terrain et qui a fini par s'imposer. C'est en lien aussi avec les émotions, donc je pense qu'elle c'est aussi en lien avec les émotions, cette notion du cœur. Oui, non, mais bien sûr. Mais oui, c'était le fondement de cette croyance. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a une troisième fois. Oui. Voilà. Mais enfin, bon, on parle beaucoup du cerveau. Alors, le deuxième cerveau, auquel moi je ne crois pas du tout, hein, le troisième cerveau, à quand le quatrième, quoi. C'est dans les pieds, le quatrième. On va se retrouver avec des... Le cerveau fait des petits. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous.